السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la radio, sur le live de la chaîne du Markez, l'imam al-Shafi'i, qui est dirigé par notre noble cher Abu al-Harith Ahmed ibn Suleyman Badouchun Hafidahullah Ta'ala. Et donc le cher, il y a de cela quelques semaines, nous a fait l'honneur de nous octroyer de son savoir et de nous transmettre de ses connaissances concernant l'explication d'une épître noble. Une épître abordant un sujet crucial dans la religion de l'islam, à savoir la prière. Et cette épître est appelée les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Et cette épître a été écrite par le grand savant de l'islam, le grand savant de la sunna, le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et donc cette épître aborde les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière. Et ce sont des éléments importants qui sont relatifs à la prière en elle-même. Et le cheikh a expliqué que le musulman se doit de donner de l'importance à la connaissance de ces choses, de ces éléments, à savoir les conditions et les piliers, les obligations de la prière. Il se doit de les connaître, de les étudier, de les comprendre et de les maîtriser. Et ceci concerne le musulman lambda, et ceci est encore plus important pour l'étudiant en sciences. Et donc, nous allons procéder dans un séminaire de 3 jours, bi'idhnillahi azza wa jal, à la traduction approximative et résumée des propos tenus par notre noble cheikh Abu al-Harith Ahmed Badoukhoun Hafidahullah dans ses cours qu'il nous a fait l'honneur de nous prodiguer, de nous donner dans l'explication de cette noble épître. Donc le cheikh a commencé la lecture de cette épître qui commence par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné que les conditions de la prière sont au nombre de 9. La première étant à l'islam, le fait d'être musulman. La deuxième étant al-aql, le fait d'être doué de raison, d'avoir la raison. Troisième condition de validité de la prière, c'est at-tamyiz, c'est-à-dire avoir atteint l'âge de discernement. Ensuite, raful hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Izalatun najasa, le fait d'enlever la souillure. Satrul awra, le fait de couvrir la nudité, qui doit être couverte durant la prière. Dukhul al-waqt, l'entrée de l'heure. Istiqbal al-qibla, le fait de s'orienter vers la qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba, qui est la maison sacrée qui se trouve à la mosquée de la Mecque. Et la 9e et dernière condition de validité de la prière, al-niyya, l'intention. Le cheikh expliqua que ces 9 conditions ont été répertoriés par les ulema et mentionnés par les ulema, et ceci est le fruit de ce qu'on appelle la tatabbu' wa al-istiqra, c'est-à-dire le fruit d'une consultation exhaustive des textes de la révélation. C'est-à-dire qu'ils ont consulté de manière profonde et exhaustive les textes de la sharia concernant la prière. Et ils en ont extrait 9 conditions. Non. Et le fait de les mentionner de la sorte est un effort pédagogique. Un effort pédagogique, un effort d'enseignement et de facilitation dans l'étude et dans l'assimilation des sujets religieux pour les étudiants. Et donc, ces conditions sont au nombre de 9. Donc, les conditions de la prière sont au nombre de 9. Et avec le même procédé, ils en sont arrivés à la conclusion que donc les conditions sont au nombre de 9, que les piliers de la prière sont au nombre de 14, que les obligations de la prière sont au nombre de 8. Donc, il y a 9 conditions de la prière, 14 piliers, 8 obligations. Et il expliqua que ce procédé, c'est-à-dire at-tatabbu' wa al-istiqra, la consultation exhaustive des textes, ce procédé-là peut-être a été utilisé dans d'autres domaines. C'est-à-dire le fait de consulter des textes de manière approfondie et d'en tirer des enseignements après la consultation exhaustive des textes relatifs à un sujet donné. Et il mentionna que ce procédé-là a eu lieu et ce procédé a été utilisé par les ulémas dans d'autres domaines que le fiqh. Donc dans le domaine du fiqh, Il y a eu par exemple les 9 conditions de la prière, les 14 piliers de la prière, les 8 obligations de la prière, qui ont été extraites de par ce procédé, mais également dans la langue arabe. Ce procédé a été utilisé dans la langue arabe et il en a résulté que les ulémas, après la consultation des textes relatifs à la langue arabe et qui sont des textes référentiels à la langue arabe, ils ont découvert que les mots ne sortaient pas de 3 catégories, qu'il n'existait que 3 grandes catégories de mots. Al-ismu wal-fi'l wal-harf. Le nom, le verbe et la particule. Et également, ce procédé a été utilisé dans le sujet de l'aqida, dans le sujet du dogme. Et ça a donné la catégorisation de tawhid en 3. Le fait que l'on divise le tawhid en 3 catégories, les ulama sont parvenus à cette conclusion suite à une consultation exhaustive des nusus, des textes de la législation islamique concernant le sujet du tawhid. Et ils ont vu que les textes relatifs au tawhid ne sortaient pas de ces 3 catégories. Soit c'était des textes qui abordaient Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie souveraine, ou Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son droit exclusif à être adoré, et ou ceci abordait Tawhid, yani Tawhid Allahi fi asma'ihi wa sifati, ou ceci abordait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms ainsi que dans ses attributs. Et il mentionna la définition d'une short. Donc le mot short est l'équivalent arabe du mot condition. Et le pluriel est le mot shurut. Donc le cheikh a abordé d'abord le sujet de ce qu'on appelle shurut au salat, les conditions de la prière. Et il expliqua la condition. Qu'est-ce qu'une condition? La condition, selon les savants du usul fiqh, les savants spécialistes des fondements du fiqh, c'est que c'est un élément dont la simple présence n'implique pas forcément la validité de l'œuvre, mais dont l'absence implique forcément son invalidité. Je répète. La condition, définie par les savants du usul fiqh, est un élément dont la simple présence n'implique pas forcément la validité de l'œuvre, mais dont l'absence implique forcément son invalidité. Note du traducteur. Je donne ici un exemple afin de clarifier. Par exemple, si le wudu fait partie des conditions de validité de la prière, si une personne a le wudu, est-ce que ça veut dire que sa prière est forcément valide? Non, parce que peut-être il a dérogé à certaines obligations ou certains piliers ou certaines autres conditions de la prière. Donc le simple fait qu'il ait le wudu ne garantit pas la validité de la prière. Par contre, si on sait qu'il sait qu'il fait la prière sans le wudu, la simple absence de cette condition qui était la purification est suffisante pour que l'on affirme catégoriquement que la prière n'est pas valide. Fin de parenthèse. Et ensuite, je reviens au propos de notre noble cher Abul Harith Ahmed ibn Suleiman Badoukhoun, hafadahullah, dans lequel il a clarifié la différence entre une condition et un pilier. Il expliqua que ces deux éléments, c'est-à-dire ces deux éléments qui sont relatifs à la prière, la condition ainsi que le pilier, sont des éléments qui, si on y déroge, c'est-à-dire si on ne les respecte pas, on ne s'en acquitte pas, on ne s'acquitte pas de leur accomplissement, la prière est invalide sans eux, sans ces éléments, que sont les conditions et les piliers. Sans eux, la prière est invalide. Mais alors, quelle est la différence entre les deux? Il mentionna deux critères distinctifs permettant de distinguer entre ce qu'on appelle une short, une condition de la prière, et un rukn, un pilier de la prière. La première distinction qu'il mentionna, la première différence, c'est que la condition précède l'adoration et elle suit l'adoration durant son accomplissement. C'est-à-dire, il expliqua que donc la condition, c'est un élément qui doit être concrétisé avant l'adoration dont elle est une condition et qui doit être respectée tout le long de l'adoration durant l'accomplissement de l'adoration dont cette condition est une condition de validité. Il donna l'exemple avec la niyya. La niyya ou le fait de faire les ablutions, ceci doit être accompli et concrétisé avant le début de la prière et doit être maintenu tout au long de la prière. C'est-à-dire que dans le sens où si une personne fait ses ablutions, elle doit les faire avant la prière, pas pendant. Elle les fait avant la prière et elle doit rester en état de wudu tout au long de la prière. Pareil pour la niyya, elle émet une intention et elle maintient, elle ne contredit pas cette intention, elle ne met pas une autre intention, par exemple comme l'intention de rompre sa prière, durant la prière. Elle a l'intention de faire cette prière et son intention n'est pas annulée tout au long, durant tout l'accomplissement de la prière. Pareil pour le fait de se tourner vers la qibla. Le fait que la personne se tourne vers la qibla pour faire la prière et elle fait cela avant de commencer la prière et elle reste dans cette direction-là tout le long de la prière. Donc la condition est un élément à concrétiser et qui doit être respecté et qui est à concrétiser avant l'accomplissement de la prière et qui doit être maintenue et respectée tout au long de la prière. Tandis que la condition, pardon, tandis que le pilier, lui, est une partie intégrante de l'adoration. C'est-à-dire que le pilier est accompli dans la prière. Il n'est pas à accomplir avant. La condition est à concrétiser avant la prière et à respecter tout au long de la prière, tandis que le pilier, lui, fait partie intégrante de la prière. Il fait partie de la prière. C'est un élément intrinsèque à la prière, mais qui n'est pas à accomplir avant. Ça, c'est la première manière de distinguer entre al-shart, la condition, et al-rukn, à savoir le pilier. Ensuite, la deuxième manière de distinguer entre la condition et le pilier, c'est que le pilier, lui, s'arrête, tandis que la condition continue tout le long de la prière. C'est-à-dire que le pilier, au sein de la prière, il fait partie intégrante de la prière, tu l'accomplis et tu passes à autre chose. Tu passes à un autre pilier. Exemple, la lecture d'Al-Fatiha. C'est-à-dire que la lecture d'Al-Fatiha, de la sourate Al-Fatiha, est un pilier de la prière. On l'accomplit, puis après, on passe à un autre pilier. Naam, ou bien, par exemple, on fait la takbiratul ihram, la première proclamation de la grandeur d'Allah, le fait de dire Allahu Akbar pour commencer la prière, c'est un pilier, mais après on passe à un autre pilier, puis à un autre pilier, puis à un autre pilier. Donc on passe d'un pilier à un autre. Donc il a une durée limitée dans la prière, ce pilier. Il a son temps d'accomplissement, puis après on passe à autre chose. Tandis que la condition, elle, est tout le long de la prière. La condition, elle, doit être respectée et maintenue tout le long de la prière. Comme le fait d'avoir le wudu. Le wudu, les ablutions doivent être concrétisées et accomplies avant l'accomplissement de la prière et doivent être maintenues tout le long de la prière. Non, pareil pour l'orientation en direction de la Qibla. On commence la prière après s'être orienté vers la Qibla et tout le long de la prière, on va maintenir notre corps dans la direction de la Qibla, en direction de la Mecque. Non. Ensuite, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a commencé à expliquer certaines conditions de validité de la prière. Il mentionna la première qui est l'islam. Et il expliqua que donc pour que la prière soit valide, il faut que la prière soit accomplie par quelqu'un qui est musulman. Car la prière accomplie par le kafir, par le mécréant, n'est pas acceptée. Il mentionna le verset, dont le sens en français est le suivant: Et quiconque désire une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de sa part, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc il expliqua que l'islam est une condition de validité concernant toutes les adorations que l'on doit accomplir. C'est-à-dire qu'il est impératif d'être musulman pour que les adorations que l'on accomplit soient valides. C'est une condition de validité pour l'ensemble des adorations. Donc, tout mécréant, juif, chrétien, athée, quelle qu'en soit sa religion, s'il est sur une autre religion que l'islam, et une autre pratique religieuse que l'islam, qui souhaiterait se livrer à l'adoration d'Allah, doit d'abord, au préalable, se convertir, donc devenir musulman, puis accomplir l'adoration, par exemple, qu'est la prière. Et il mentionna que la mécréance était une cause d'anéantissement et d'invalidation, d'invalidité des œuvres. Il mentionna le verset dont le sens en français est le suivant: Et quiconque rejette la foi, alors vaine est devenue son œuvre, c'est-à-dire que son œuvre est anéantie. Et il expliqua que donc le kafir, le mécréant, n'a pas de récompense dans l'au-delà pour les bonnes œuvres qu'il accomplirait. Mais par contre, il est récompensé dans cette vie. C'est-à-dire que si le kafir fait certaines bonnes œuvres, certains actes de bonté, ce kafir-là reçoit en récompense de la part d'Allah certaines choses de cette vie, en rétribution et en récompense, dans le sens où il peut obtenir la santé, où il peut bénéficier de la santé ou du fait d'obtenir de la part d'Allah de la subsistance. Et ceci a été mentionné dans un hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque un mécréant œuvre dans la bienfaisance, agit en bien, alors il est nourri, il reçoit de la subsistance de la part d'Allah pour cela. De telle sorte que Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection dans l'au-delà, il n'aura aucune hasanat, aucune bonne œuvre à son actif par rapport à laquelle il pourrait être rétribué. Et Allah a décrit les mécréants dans un verset du Coran que le cheikh a mentionné, dont le sens en français est le suivant, en faisant référence aux mécréants: Ceux-là sont ceux dont les œuvres sont vaines et ils seront dans le feu pour l'éternité. Et donc, Cheikh Ahmed Badouhoun a expliqué que donc, mais si ce kafir rentre en islam, alors les bonnes œuvres qu'il aura accomplies durant sa mécréance, avant sa conversion, lui sont considérées, elles sont prises en considération. Non. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde cela à qui il veut. Mais concernant les actes des polythéistes, leur mécréance est une cause d'anéantissement des œuvres dans l'au-delà. Le cheikh a mentionné le verset dont le sens en français est le suivant, et nous avons considéré ce qu'ils ont accompli comme œuvre, et nous l'avons rendu semblable à poussière éparpillée, c'est-à-dire réduit à néant. Ceci est la conséquence du shirk akbar et du kufr akbar, c'est-à-dire du polythéisme majeur et de la mécréance majeure. Ceci est une cause d'anéantissement de l'ensemble des œuvres. Mais concernant le shirk mineur, comme l'ostentation, ar-riya, le cheikh a expliqué que quant à lui, il n'anéantit pas l'ensemble des œuvres. Il a pour effet que si ce shirk mineur, qu'est l'ostentation, se trouve au sein d'une œuvre, il n'en annule pas la validité, mais il en annule la récompense, la rétribution, c'est-à-dire que la récompense en est anéantie, bien que l'œuvre en elle-même reste valide, mais que sa récompense en est cependant anéantie. Et ceci est spécifique à l'œuvre dans laquelle cette ostentation a émané du serviteur. Et donc le cheikh a expliqué que si un kafir, un mécréant, se convertit durant l'heure de la prière de l'Aïcha, c'est-à-dire que la prière de l'Aïcha est rentrée dans son âme, et que ce kafir se convertit alors que nous sommes dans l'heure de l'Aïcha, alors il lui incombe obligatoirement de faire le ghusl, de faire les grandes ablutions, de se laver, de se purifier donc, et d'accomplir la prière de l'Aïcha. Mais s'il venait à accomplir cette prière, à savoir la prière de l'Aïcha, avant sa conversion, ceci n'est pas valide. Ensuite, le cheikh en vint à expliquer la deuxième condition de validité de la prière, à savoir al-aql, c'est-à-dire le fait d'être doué de raison. Et son opposé est al-junun, la folie, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir la raison, d'avoir perdu l'esprit, d'être fou. Il expliqua que le fou, celui qui a perdu la raison, ou qui n'est pas doué de raison, n'a pas de compte à rendre jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. C'est-à-dire qu'il ne rend pas des comptes, il n'est pas tenu à rendre des comptes pour ce qu'il dit, ce qu'il fait comme acte, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Il expliqua que la raison est nécessaire pour pouvoir avoir une intention, pour pouvoir interagir et se comporter correctement dans l'adoration qu'est la prière, et pouvoir avoir une niyyah, pour pouvoir avoir une intention. Il est nécessaire d'avoir la raison pour pouvoir avoir une intention correcte. Donc, de ce fait, la prière du fou n'est pas valide, car il n'a pas la raison. Il ne peut pas émettre une intention correctement. Il en est de même de la prière du bébé, c'est-à-dire de l'enfant qui est Ghayrul Mumayyiz, c'est-à-dire qui n'a pas atteint l'âge de discernement. At-Tamyiz étant l'âge du discernement que nous allons aborder dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc, l'enfant qui est en bas âge et qui n'a pas atteint l'âge de raison, l'âge de discernement, sa prière n'est pas valide, à l'image de la prière du fou. Car ces deux n'ont pas le aql, n'ont pas la raison. Et donc, de ce fait, la prière pour eux n'est pas valide. Et il mentionna un hadith qui est rapporté du prophète, dans lequel il avait mentionné, que la plume est levée. C'est-à-dire, la plume fait référence ici au fait que leurs œuvres ne sont pas inscrites. C'est-à-dire la plume qui note, qui fait référence à la plume avec laquelle on inscrit leurs œuvres, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas de compte sur leurs actes et leurs actes ne sont pas notés. Et cet état et cette situation concernent trois catégories d'individus. Donc la plume est levée, c'est-à-dire la plume de la responsabilité. La plume inscrivant les œuvres. Donc la plume est levée concernant trois. Et il mentionna trois individus. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, c'est-à-dire que durant son sommeil, il n'est pas responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il dit durant son sommeil. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et l'enfant en bas âge jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. La puberté étant distincte d'at-tamyiz. tamiz étant l'âge de discernement, la puberté étant un autre stade qui vient en général de par après. Donc, le cheikh Hafidhahullah, après avoir mentionné ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam, a mentionné que donc, la plume est levée concernant trois, le dormant jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, l'enfant en bas âge jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Ensuite, il expliqua que concernant le fait de perdre la raison, ce n'est pas limité à la folie. Il y a d'autres critères, d'autres paramètres, d'autres circonstances dans lesquelles on considère que la personne a perdu la raison. Naam, elle a perdu la raison. Elle n'a plus le aql, mais ce sont des circonstances qui peuvent être différentes. Et il en mentionne quatre. La première, c'est le sommeil. Le sommeil est une cause de perte de la raison. C'est-à-dire que durant le sommeil, on perd notre intellect, notre capacité à raisonner. Dans le sens où nous perdons la raison momentanément durant notre sommeil. Deuxièmement, la folie. Bien que ce soit un état, ça peut être un état d'éveil, mais c'est un état d'éveil durant lequel nous n'avons pas la raison. Troisièmement, l'irma, c'est-à-dire l'évanouissement. L'évanouissement. C'est-à-dire nous perdons conscience, mais d'une forme particulière, qui est la forme de l'évanouissement. Il avait donné l'exemple de l'évanouissement suite à un coup, ou suite à l'intensité d'une maladie, ou, par exemple, un évanouissement qui est provoqué, et c'est le quatrième cas dans lequel on perd la raison, yani suite à l'ivresse. Une personne peut être évanouie suite à une ivresse, ou peut être éveillée en état d'éveil, et être dans un état d'ivresse qui est tel qu'il est considéré comme ayant perdu la raison. Et donc, il expliqua concernant la folie, il dit, si un individu a perdu la raison du fait qu'il est donc fou, il a perdu la raison, et que ceci perdure, c'est-à-dire que cet état de folie perdure depuis l'entrée de l'heure d'une prière jusqu'à la sortie de l'heure de cette prière, et qu'il retrouve la raison par la suite, c'est-à-dire qu'il donc il a été atteint par la folie durant tout le long d'un créneau horaire d'une prière. Alors, suite à la fin du créneau horaire de cette prière, s'il retrouve la raison, il n'a pas à rattraper cette prière. Il n'a pas à rattraper cette prière. Il mentionna concernant le sommeil. Il expliqua que la personne, bien qu'il n'ait pas mukallaf, c'est-à-dire qu'il ne rend pas des comptes concernant ce qu'il fait pendant son sommeil, s'il rate une prière par rapport à son sommeil, car il était en train de dormir, s'il se réveille après le créneau horaire de cette prière, il rattrape cette prière. Il n'était pas considéré comme étant mukallaf, c'est-à-dire comme devant rendre des comptes durant son sommeil. Mais son sommeil ne lui permet pas de ne pas avoir à rattraper sa prière. Non. Et il mentionna un hadith, et sachant que cette notion-là est sujette à unanimité, c'est-à-dire que la personne qui a raté une prière par rapport à son sommeil, dû au sommeil, alors elle doit la rattraper bil ijma. Non, c'est-à-dire bil ijma, c'est-à-dire par un consensus, c'est-à-dire qu'il y a unanimité entre les ulama sur ce sujet-là. Note du traducteur. Ici, il doit être fait une distinction entre la personne qui délaisse sciemment la prière et qui volontairement dort tout le long du temps d'une prière, voulant la rater sciemment. Ceci est à distinguer du cas de la personne qui rate la prière malencontreusement, malgré lui, de par son sommeil qu'il a mal estimé. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait se réveiller pour la prière, mais il ne s'est malencontreusement pas réveillé. Ces deux circonstances sont à distinguer l'une de l'autre. Fin de parenthèse. Donc, il mentionna, notre cher Ahmed Badoukhoun, Hafidhahullah, il a mentionné un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Quiconque oublie d'accomplir une prière ou dort et manque cette prière par rapport à son sommeil, alors qu'il prie lorsqu'il s'en rappelle. » Donc, ce hadith est un hadith statuant du fait que la personne qui a raté une prière due au sommeil la rattrape une fois réveillée, ou s'il l'oublie de faire la prière de par une distraction, il s'en acquitte lorsqu'il s'en rappelle. Ensuite, le cheikh aborda un troisième cas, le cas de l'évanouissement. Donc, l'évanouissement étant une manière de perdre la raison, mais qui est distincte et qui est à distinguer du sommeil. Et donc, l'évanouissement, ça peut être suite à un coup porté ou de par l'intensité d'une maladie provoquant l'évanouissement de l'individu ou un évanouissement provoqué par l'ivresse. Alors, cet évanouissement-là, à le jugement de la folie. Et ceci est un sujet dans lequel il y a eu divergence entre les ulémas. Et l'avis qui a été considéré comme étant l'avis prépondérant chez les Hanafiyas, les Hanafites, et qui fut considéré comme étant al-Rajih, comme étant l'avis prépondérant auprès d'Ibn Taymiyyah, ainsi que son élève, que ses élèves, de son élève Ibn al-Qayyim, c'est que cette personne-là n'a pas rattrapé la prière. Ce genre de personne n'a pas rattrapé la prière. Non. Et concernant la personne qui a été en état d'ivresse, dans un état d'ivresse tel qu'il en a été amené à rater la prière, les éléments ont divergé. Et As-Suhir, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, comme quoi il n'aura pas à rattraper cette prière, si ceci, yani son état, a été provoqué par l'ivresse. Et certains éléments ont dit que, et c'est un avis célèbre chez les fuqaha, qu'en guise de punition à l'égard de l'ivrogne, le fait qu'on lui ordonne de rattraper la prière. Mais Al-Rajih, selon notre cher Ahmed Badoukhoun, c'est qu'il a considéré que l'avis prépondérant est l'avis d'Ibn Taymiyyah. À savoir que dans cette circonstance-là, dans ce cas-là bien précis, cet individu n'a pas à refaire la prière, à rattraper plutôt la prière, bien qu'il est coupable d'un péché. La troisième condition de validité de la prière, At-Tamyiz, qui est le contraire de l'enfance, du fait d'être un enfant en bas âge. At-Tamyiz étant un terme qui désigne l'âge de discernement ou l'âge de raison. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit que cet âge-là était atteint à l'âge de 7 ans. Donc, lorsque l'enfant atteint cet âge-là, alors il se voit ordonner l'accomplissement de la prière. Et Cheikh Ahmed Badoukhoun hafidhahullah a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il avait dit, alayhi salatu wa sallam, ordonnez la prière, c'est-à-dire ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils atteignent l'âge de 7 ans. Et persuadez-les physiquement quant à son accomplissement en cas de récalcitrance à l'âge de 10 ans. Et séparez-les dans leur couche. Ensuite, le cheikh aborda le critère qui nous permet d'affirmer qu'un enfant est moumayyiz, c'est-à-dire qu'il a atteint At-Tamyiz, qu'il a atteint l'âge de discernement. Il mentionna que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a mentionné que c'était à 7 ans. Qu'à 7 ans, l'enfant était dit moumayyiz. Yani, c'est-à-dire qu'il est décrit comme étant un enfant ayant atteint l'âge de discernement, l'âge de raison. Et ça, c'est l'avis qui est célèbre auprès des Hanabilas, des Hanbalites. Mais le Cheikh a expliqué que l'avis qui est prépondérant, c'est qu'on peut considérer que ceci peut survenir avant l'âge de 7 ans. Et il mentionna une preuve de cela, un hadith rapporté par Mahmoud ibn Rabi', radiallahu anhu, dans lequel il décrivit qu'il a atteint donc à l'âge de 5 ans, At-Tamyiz. C'est-à-dire qu'il avait atteint ce stade-là, l'âge de discernement, l'âge de raison, à l'âge de 5 ans. Donc le cheikh a expliqué que ceci peut survenir bien avant 7 ans. Mais la généralité chez les enfants, c'est que les enfants atteignent cet âge de discernement, de distinction entre le bien et le mal, de compréhension et d'assimilation des choses, à l'âge de 7 ans de façon générale. Et lorsque cet âge est atteint, alors on ordonne la prière à cet enfant d'un ordre éducatif, c'est-à-dire que la prière ne lui est pas une obligation. Il n'est pas dans le péché s'il ne la fait pas. Mais on lui ordonne de façon à l'éduquer. Et l'ordre de l'accomplissement de la prière implique l'éducation. C'est-à-dire que si tu vas ordonner la prière à ton enfant, tu lui ordonnes qu'il fasse la prière à 7 ans, ça va impliquer que tu l'instruises concernant la prière. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être au préalable, yani avant qu'il puisse accomplir cette prière, il doit être instruit sur la purification concernant la manière de l'apprentissage de sourate al-Fatiha. Il doit être instruit sur les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les éléments nécessaires. Afin qu'il puisse accomplir sa prière correctement. Et ceci est une éducation qui est encore octroyée à cet enfant-là, en espérant que justement cet enfant-là qui va grandir sur cette instruction-là va dans le futur préserver sa prière, prier correctement et être de ceux qui sont réguliers dans leur prière. Ensuite, une fois l'âge de 10 ans atteint, on leur ordonne de faire la prière et on les y contraint physiquement en cas de récalcitrance. Non. Et c'est toujours dans un cadre et dans un contexte éducatif, pédagogique, afin de les éduquer et de les habituer concernant la prière et son accomplissement. Mais il faut que ce soit retenu que, selon le Jumhur, c'est-à-dire la majorité des ulémas, les enfants ne sont pas mukallafoun concernant la prière à cet âge-là. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, la prière ne leur est pas obligatoire. Elle ne leur est pas obligatoire, selon l'avis de la majorité des ulémas, du Jumhur. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, s'ils ne l'accomplissent pas, ils ne sont pas dans le péché. Car la prière ne leur est pas obligatoire. Mais on les y contraint, dans le sens où on les y appelle avec insistance et on s'assure de l'accomplissement de la prière par rapport à cet enfant dont nous sommes à charge. Non. Ou plutôt qui est à notre charge et dont nous devons nous charger de son éducation. Et la responsabilité religieuse, c'est-à-dire la taklif, c'est-à-dire que le taklif, le fait qu'un individu devient un mukallaf, c'est lorsque on atteint la puberté, comme notre cheikh nous l'a expliqué dans son cours. C'est-à-dire que la taklif, c'est lorsque l'on rend des comptes vis-à-vis de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, ou de ce que l'on ne fait pas, de ce que l'on ne dit pas, lorsqu'on est censé faire ou dire quelque chose. C'est-à-dire que lorsque l'on rend des comptes par rapport à ce que l'on fait ou ce que l'on renonce à faire. Donc on rend des comptes vis-à-vis de nos actes. Ça, c'est ce qu'on appelle le taklif. C'est lorsque l'on est responsable de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est atteint lorsque le musulman devient pubère. Ensuite, le cheikh Ahmed Badour a expliqué que les trois conditions de validité que sont l'islam, le fait d'être musulman. Deuxième condition, le fait d'avoir al-aql, le fait d'être doué de raison. Le fait d'avoir atteint at-tamyiz, c'est-à-dire d'avoir atteint l'âge de discernement. Ces trois conditions sont trois conditions de validité et sont des éléments à respecter et à concrétiser. Ce sont des prérequis pour la validité de toute adoration, à l'exception du Hajj et de la Umrah. C'est-à-dire que pour toute adoration que le musulman désire adorer, désire accomplir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut impérativement qu'il soit musulman, doué de raison et ayant atteint at-tamyiz. Et l'exception est faite concernant le Hajj et la Umrah. C'est-à-dire que le Hajj et la Umrah, l'enfant en bas âge, c'est-à-dire n'ayant pas encore atteint le tamyiz, son œuvre peut être considérée comme étant valide s'il fait le Hajj et la Umrah. Cependant, le cheikh a expliqué que ceci, c'est-à-dire ce Hajj-là qu'il fait, n'est pas considéré comme étant le Hajj obligatoire. C'est-à-dire que cet enfant, note du traducteur, le cheikh a attiré l'attention sur le fait que si un enfant, avant d'avoir atteint le tamyiz, fait le Hajj, par exemple en compagnie de ses parents, et que donc ses parents lui font faire le Hajj avec eux, etc. Le Hajj qu'il a accompli avec ses parents alors qu'il n'était pas moumayyiz, qu'il n'avait pas atteint l'âge de discernement, est considéré comme un Hajj surérogatoire, c'est-à-dire dont l'accomplissement est recommandé. Et s'il devient pubère par la suite et qu'il est dans une capacité physique et financière à faire le Hajj, il est redevable du Hajj à nouveau. Et ce Hajj-là qu'il fera sera le deuxième Hajj qu'il accomplit dans sa vie, mais le premier était considéré comme un Hajj recommandé et n'était pas la concrétisation du pilier de l'islam. Mais par contre, le Hajj qu'il fera ensuite, après sa puberté atteinte, sera un Hajj qui sera, yani, que la concrétisation de l'obligation, par exemple. Non. Et s'il fait le Hajj après le tamyiz, yani avant la puberté, son Hajj est valide, bi-idhnillahi azza wa jalla. Et ça peut être son Hajj, yani, qui est une obligation. Mais avant le tamyiz, ce sera un Hajj considéré comme étant un Hajj de l'ordre du recommandé. C'est une bonne œuvre à son actif, qui est valide. Et il y en a un qui l'a accompli. Cependant, ce n'est pas considéré comme étant la concrétisation du pilier de l'islam, qui est l'accomplissement du Hajj. Fin de parenthèse. Ensuite, le cheikh a commencé l'explication concernant Raf al-Hadath. Donc, nous sommes dans la quatrième condition de validité de la prière. Le fait qu'avant de commencer la prière, nous devons avoir enlevé l'état d'impureté. Et il expliqua que, donc, Al-Hadath, ça va faire référence à ce qui annule les ablutions. Ce qui annule les ablutions, qui rend obligatoire les ablutions si on veut prier. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui, s'ils surviennent, s'ils sont accomplis par le serviteur, ceci annule son état de purification. Et ceci nécessite de lui le fait de refaire les ablutions au préalable avant de se livrer à l'accomplissement de la prière. Et il mentionna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, alayhi salatu wa sallam, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il a un hadath, c'est-à-dire donc s'il a accompli quelque chose qui annule ses ablutions, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il a eu un hadath jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions. Hatta yatawadda. Donc la personne se doit d'accomplir les ablutions. le wudu. Et donc, c'est un acte de purification. Et la personne, lorsqu'il va l'accomplir, il va mettre l'intention de se purifier par les ablutions afin d'enlever l'état d'impureté dans lequel il est, ou de pouvoir être en mesure de prier. Ce genre d'intention lui permet donc alors de pouvoir concrétiser et d'atteindre l'état de purification, naam, qui est atteint par le fait d'avoir les ablutions avec ce genre d'intention. Et ensuite, donc, la prière lui est permise. Car s'il viendrait accomplir la prière sans cette purification, sa prière n'est pas valide et n'est pas acceptée. Et quand est-ce que lui incombe cette purification? Est-ce que cette purification est obligatoire à tout moment? Il faut constamment refaire ses ablutions si on a perdu ses ablutions? On doit constamment être en état d'ablution? Non. Le cheikh expliqua que cette purification lui incombe lorsque lui incombe la prière. C'est-à-dire que lorsque la prière lui devient obligatoire, alors la purification lui est une obligation afin de pouvoir se livrer à l'accomplissement de la prière. Et quant au fait de renouveler ses ablutions à chaque fois qu'on a un hadath, à chaque fois qu'on perd ses ablutions, le fait de refaire ses ablutions et de maintenir donc son état de purification, ceci est un signe du croyant, mais c'est quelque chose qui est recommandé. C'est-à-dire qu'il mentionna le hadith du prophète والسلام, dans lequel il avait mentionné والسلام, que nul ne préserve ses ablutions si ce n'est un croyant. C'est-à-dire que le fait de refaire ses ablutions pour être toujours en état d'ablution tout au long de la journée, même quand on ne veut pas accomplir une prière forcément, ceci est un acte recommandé. Il est obligatoire d'être en état d'ablution pour la prière. Mais en dehors de la prière, par exemple, pour y aller dans les actes du quotidien, dans la vie quotidienne, être en état d'ablution est recommandé dans les actes du quotidien, par exemple. Et donc, lorsqu'il aborda cette quatrième condition, je rappelle les quatre conditions que nous avons vues, les quatre conditions de validité de la prière. L'islam, le fait d'être musulman, l'aql, d'être doué de raison, at-tamyiz, d'avoir atteint l'âge du discernement. Et nous sommes toujours dans l'explication de Raf al-Hadath, c'est-à-dire le fait d'enlever l'état d'impureté. Et donc, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, lorsqu'il aborda le fait d'enlever l'état d'impureté, il fit allusion aux ablutions. Et là, donc, il fit une parenthèse dans son noble livre, dans son ouvrage, dans laquelle il fit l'explication en détail des conditions du wudu. Donc là, nous sommes dans la quatrième condition de validité de la prière. Et nous allons aborder des conditions de validité du wudu, qui sont au nombre de 10. Qui sont au nombre de 10. Donc là, nous sommes dans la quatrième condition de la prière, quatrième condition de validité de la prière, et nous allons aborder certains éléments qui sont des éléments qui sont considérés comme étant des conditions de validité des ablutions. Donc les conditions de la prière sont au nombre de 9, mais les conditions des ablutions, les conditions de validité des ablutions sont au nombre de 10. Les trois premières conditions de validité des ablutions sont les trois premières qu'on a étudiées pour la prière. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire que pour que les ablutions soient valides, il faut être musulman, à l'islam. Deuxièmement, à l'aql. Troisièmement, à tamyiz. Troisièmement, à tamyiz, avoir atteint l'âge du discernement. Ensuite, il aborda la quatrième condition de validité des ablutions, c'est an-niyya, l'intention. Et c'est une obligation. Et c'est une obligation de les mettre dans son cœur. C'est-à-dire que c'est une obligation qui se concrétise par le fait de mettre l'intention dans notre cœur. Et il expliqua qu'est-ce que c'est. Il avait expliqué que al-niyya, selon la définition des ulémas, c'est al-azmu fil qalbi ala yani ala azmu al-qalbi ala fi'li shay taqarruban ila Allah. C'est-à-dire le fait d'avoir une résolution dans son cœur, d'être déterminé concernant l'accomplissement d'une œuvre que l'on souhaite accomplir, cherchant par l'accomplissement de cette œuvre à se rapprocher d'Allah. Donc c'est la ferme résolution, la détermination dans notre cœur vis-à-vis du fait que l'on désire accomplir une adoration, un acte par lequel on cherche à se rapprocher d'Allah. C'est ça la niyya. Et mahalluha al-qalb, le cheikh a expliqué que son endroit est au cœur, est dans le cœur. Et si donc la niyya est émise au sein du cœur du serviteur, ceci lui suffit et ceci est valide pour lui et ceci est sujet à l'unanimité des ulémas. C'est-à-dire que les ulémas sont unanimes sur cela. Non. Après, il expliqua que certains fuqaha, parmi les contemporains, avaient dit qu'on pouvait prononcer avec la langue l'intention. C'est-à-dire que, afin de renforcer et de pouvoir yani, faire en sorte que l'intention soit ferme dans le cœur, utiliser la prononciation de la langue pour renforcer l'intention qui est dans le cœur. Ceci a été émis par certains fuqaha. Et ils l'ont considéré comme étant quelque chose de recommandé, c'est-à-dire d'avoir la niyya prononcée avec la langue afin de renforcer ce qui est dans le cœur. Mais cet avis-là n'a aucun dalil, n'a aucune preuve de la charia légitimant cet avis. Et certains ulémas ont même dit que le at-talaffuz bin-niyya, le fait de prononcer ostensiblement l'intention, était une innovation. Et donc il expliqua que cette intention doit être continue, c'est-à-dire durant les ablutions. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a expliqué que donc on doit avoir l'intention concernant les ablutions et que cette intention doit être continue. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est-à-dire que l'on n'émette pas dans notre cœur l'intention de rompre les ablutions, c'est-à-dire de délaisser l'accomplissement des ablutions, de cesser. Donc on met l'intention de faire nos ablutions et on maintient cette intention et on ne diverge pas avec. C'est simplement ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser à l'intention et en aller tout le long de des ablutions ou même pendant la prière. Là, c'est simplement avoir la niyya de faire les ablutions, faire nos ablutions sans avoir une niyya qui serait autre, comme par exemple le fait de vouloir cesser les ablutions. Car cette autre niyya altère le jugement de l'ablution que nous avons commencé. Non. Et donc, si une personne change de niyya, comme par exemple dans la prière ou dans les ablutions, il a la niyya de faire telle prière ou de faire ses ablutions, et qu'il change de niyya, comme la niyya de rompre, d'interrompre et de délaisser, et d'annuler, et ni de délaisser et de s'arrêter de faire cette adoration, cette niyya-là, qui est une deuxième niyya émise au sein de son cœur, altère et annule et abroge la première et rend invalide l'œuvre. Donc celui qui fait une prière et qui change d'intention, il met l'intention de délaisser la prière, ce n'est pas un waswas. Le cheikh a dit, ce n'est pas un waswas, ce n'est pas des pensées, des choses que je lui suggère le shaitan. Là, c'est quelque chose qui est déterminé. Il veut arrêter la prière. Par exemple, quelqu'un qui fait une prière et qui met l'intention d'arrêter, là, il a interrompu sa première niyya par le fait d'avoir une deuxième niyya qui était une niyya d'interruption de sa prière. Sa prière n'est plus valide. Pareil pour les ablutions. Mais donc, ce qui est une condition pour la prière et pour les ablutions, c'est le fait qu'il y ait d'avoir une intention concernant cet acte et de ne pas en changer. Ne pas changer cette intention en faisant, yani que notre cœur émette une autre intention qui est antagoniste à la première. Non. Fin de parenthèse. Donc, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a expliqué par la mention d'un hadith, le hadith rapporté par Omar ibn Khattab radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il avait. Le hadith. Et ceci est une partie du hadith. Ensuite, il expliquait un point important concernant la niyya. Il avait mentionné, hafidhahullah ta'ala, que la niyya est un élément qui distingue les habitudes des adorations et qui distingue les adorations entre elles. Note du traducteur. Qu'est-ce que le cheikh veut dire ici? Le cheikh fait référence au fait que la niyya, l'intention, est ce qui distingue entre les actes coutumiers et les actes d'adoration. C'est-à-dire qu'il y a des actes qui, en apparence, paraissent similaires, mais selon l'intention, une personne, par exemple, peut prendre une douche, par exemple, avec la niyya de se rafraîchir, c'est un acte coutumier. C'est un acte qui est une habitude, ce n'est pas une adoration. Par contre, la même personne qui fait une douche, qui prend une douche, et avec bien entendu les éléments prérequis, et qui met la niyya d'enlever le grand état d'impureté, c'est-à-dire la janaba, lui est dans une adoration. Les deux prennent une douche, qui peut être en apparence est exactement similaire dans les gestes, dans ce qu'ils font. Le premier a juste l'intention de se rafraîchir et de se nettoyer des saletés ou enlever la sueur de son corps, tandis que le deuxième a l'intention d'enlever l'état d'impureté majeur afin de peut-être pouvoir accomplir sa prière, par exemple. Les deux prennent une douche, les deux sont similaires en apparence, mais la niyya distingue ces deux. Le premier a accompli un acte coutumier, une habitude, le deuxième a adoré Allah. Donc ça, c'est un des critères, il y en a décisif. De la niyya, que la niyya distingue entre les actes coutumiers et les actes d'adoration. Ensuite, le cheikh avait mentionné que ça distingue entre les adorations. Note du traducteur, c'est-à-dire que par exemple, si deux personnes prient, peut-être que l'un est en train de faire yani, la prière de l'Asr, et peut-être l'autre a raté sa prière de Dhuhr et fait la prière de Dhuhr derrière lui. Les deux font quatre rakat. Les deux font quatre rakat. Les deux font quatre unités de prière. Mais les deux ont une intention différente. Donc là, la niyya distingue entre les adorations. Pourtant, en apparence, ces deux-là sont similaires quant à l'accomplissement de leur acte. Mais ils sont distincts de par leur intention. Fin de parenthèse. Ensuite, il aborda une autre condition des ablutions mentionnée par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, le fait que la personne, avant de se livrer à l'accomplissement des ablutions, donc il faut qu'il soit musulman, qu'il ait la raison, qu'il soit quelqu'un qui a atteint at-tamyiz, qui soit donc un être humain qui a atteint au moins l'âge de discernement, qu'il ait une intention et que cette intention ne soit pas rompue, et qu'il fasse cesser tout ce qui annule les ablutions. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte qu'avant de commencer ses ablutions, il cesse tout ce qui annule les ablutions et rend obligatoires les ablutions. C'est-à-dire, par exemple, que la personne ne peut pas commencer les ablutions s'il a encore de l'urine qui s'écoule de lui. S'il est encore en train d'uriner, il ne peut pas commencer les ablutions. Ou s'il a un gaz. S'il a un gaz, il ne peut pas faire les ablutions et avoir un gaz pendant les ablutions. Ceci invalide les ablutions qu'il a entamées. Donc s'il a un gaz, il doit finir ce gaz, entre guillemets, que ce gaz ait pris fin, que cette émission de gaz de par son organisme soit terminée, qu'il ait terminé d'uriner, qu'il ait terminé de déféquer, qu'il ait terminé tout ce qui annule les ablutions, ceci soit terminé, que ceci ait cessé avant de commencer les ablutions. Et si ceci survient alors qu'il est en train de faire les ablutions, ces ablutions sont invalides, il doit recommencer. Il doit recommencer ses ablutions. Ensuite, la condition suivante. La condition suivante, et nous sommes donc dans les conditions de validité des ablutions, al-istinja ou al-istijmar. C'est-à-dire, al-istinja, le cher a expliqué que al-istinja est un terme qui fait référence à la purification des orifices par usage de l'eau. C'est-à-dire se purifier des souillures qui émanent de nos orifices, c'est-à-dire l'orifice pénien, l'urètre pour l'homme, et l'orifice anal. Et donc, ce qui en sort comme impureté, on se purifie au niveau de ces orifices avec de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'istinja. Tandis qu'alistijma, c'est un terme qui fait référence au fait de purifier les orifices en usant de quelque chose de pur et de solide, permettant d'enlever la souillure de l'orifice, comme les pierres, les mouchoirs ou ce qui est similaire. Note du traducteur, rentre dans ce jugement le papier toilette. Fin de parenthèse. Et ceci est nécessaire si on a uriné ou déféqué. Ce n'est pas obligatoire de laver nos orifices si on a eu un gaz, par exemple. C'est dans le cas où si on a uriné ou si on a déféqué, donc si une souillure est sortie d'un de nos orifices, on purifie cet orifice, soit en utilisant de l'eau, soit en utilisant quelque chose de sec afin de purifier l'orifice par le fait d'utiliser cet objet sec et pur afin d'enlever les souillures de l'orifice. Mais si on a un gaz, et ou bien si on veut se refaire ses ablutions simplement et que rien n'est sorti de nos orifices, absolument rien, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à l'istinja ou à l'istijmar pour un quelconque de nos deux orifices, si on a eu un gaz ou si on veut simplement refaire les ablutions. Ceci est obligatoire si on a eu une émission de souillure émanante de notre organisme, yani de par la miction, le fait d'uriner ou le fait de déféquer. Et il mentionna que le fait de faire les deux est meilleur, car ceci est plus à même de concrétiser la pureté. Et ceci fut l'acte des gens de Quba, la mosquée de Quba, qui reçurent l'éloge de par le fait qu'ils joignaient entre l'istijmar et l'istinja. C'est-à-dire, note du traducteur, le cheikh fait référence au fait qu'on ait recours à l'istijmar d'abord, c'est-à-dire à quelque chose de sec, comme des pierres ou du papier toilette ou quelque chose de similaire, parmi ce qui est pur et solide, afin de purifier l'orifice, et ensuite utiliser l'eau pour nettoyer l'endroit. L'istijmar, le fait d'utiliser quelque chose de solide, va enlever le corps de la souillure, mais il restera quelques traces qui vont subsister, et l'eau va enlever les quelques traces qui persistent au niveau de l'orifice. Mais donc le cheikh a expliqué qu'avoir recours aux deux successivement, c'est-à-dire à l'istijmar et à l'istinja, ceci est meilleur. Mais il mentionna que l'on peut se contenter d'un des deux. C'est-à-dire que si une personne a recours à l'istinja seulement, l'utilisation de l'eau pour purifier son orifice, son ou ses orifices, ceci lui est suffisant. Et si une personne a recours à l'istijma uniquement, c'est-à-dire juste à l'utilisation de pierre ou de papier toilette ou ce qui est similaire, pour purifier un ou ses deux orifices suite à l'émission d'une souillure, alors ceci est suffisant. Quand même il y a des traces. C'est-à-dire, le cheikh a expliqué que l'istijma va enlever le corps de la souillure, mais pas les traces. C'est-à-dire que l'istinja enlève l'usage de l'eau, permet d'enlever la souillure au niveau du corps de la souillure et les traces de la souillure. mais l'estigmar n'est pas aussi performant. Le fait d'avoir recours à quelque chose de sec pour enlever la souillure au niveau des orifices permet d'enlever la souillure au niveau de son corps, c'est-à-dire la matière de la souillure va être amenée à quitter l'orifice, mais par contre, au niveau de l'orifice, il va en général subsister des traces légères de souillure. Le cheikh a expliqué qu'on en est pardonné et on n'est pas pécheur et la prière est valide si on prie alors qu'on a des traces de souillure au niveau des orifices, après avoir eu recours à l'estigmar. Et il expliqua que ceci a été permis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était le plus diligent des gens concernant le fait de concrétiser la purification. Et donc la prière accomplie avec une infime quantité de souillure sur soi, donc est valide. Et il mentionna un hadith de Salman, radiallahu anhu, qui rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne pas faire l'istijma avec moins de 3 pierres. C'est-à-dire que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé d'avoir recours à l'estijmar avec 3 pierres minimum, mais ceci leur était suffisant. Et on sait que l'estijmar, c'est un procédé par lequel on utilise un support, quelque chose de. Il y a une matière qui est sèche, qui est pure, et qui permet d'enlever la souillure, le corps de la souillure de l'orifice, mais jusqu'à ce qu'il ne reste que des traces. Les traces ne pourront être enlevées qu'avec l'eau. Naam. Mais ces traces-là, bien que persistante au niveau de l'orifice, on en est pardonné. Ensuite, parmi les conditions de validité des ablutions, le cheikh fit la mention de la pureté de l'eau. C'est-à-dire qu'on est recours à de l'eau pure. Et cheikh Ahmed Badourou a expliqué ce point en mentionnant que l'eau, elle est pure et purifiante, et ceci est son jugement de base dans son état de base. C'est-à-dire l'eau telle qu'elle est, telle qu'Allah nous l'octroie, elle est pure et purifiante. Et donc elle est pure et elle est purifiante, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour se purifier, pour faire les ablutions. Et donc elle est pure et purifiante, et cette eau est pure lorsqu'elle est dans son état de base, c'est-à-dire dans son état dit naturel, l'état dans lequel Allah nous l'octroie. Et si son état viendrait à être altéré dans une de ces trois caractéristiques fondamentales par une substance, alors le cheikh a fait un tafsir, il a fait un détail. Il a expliqué que l'eau a trois caractéristiques fondamentales concernant son goût, concernant son odeur et concernant sa couleur. Si l'eau, qui est à la base, dans son état naturel, dans son état d'origine, elle est pure et purifiante, si cette eau viendrait à être altérée dans son goût ou dans son odeur ou dans sa couleur par une substance pure qui s'est introduite au sein de cette quantité d'eau, et que donc cette substance pure a altéré une de ces trois caractéristiques, mais son altération n'était pas poussée au point que l'on n'appelle plus cette substance eau, c'est-à-dire que c'est une altération légère dans un de ces trois aspects, que sont il y en a dans ces trois caractéristiques fondamentales que sont le goût, l'odeur et la couleur. Si cette altération est légère et elle n'est pas patente au point qu'on n'appelle plus cette substance eau, on l'appelle toujours eau, mais elle a été altérée légèrement par une substance pure qui a été introduite en elle. Alors, tant que cette appellation reste la même, c'est-à-dire qu'on appelle toujours ça de l'eau, alors cette eau est pure et purifiante, on s'en sert dans la purification. Et il donna une preuve de cela, un hadith dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses ablutions avec de l'eau qui fut altérée dans sa couleur par de la pâte. De la pâte, c'est-à-dire comme la pâte à pétrir. L'ajin, c'est un terme qui désigne la pâte à pain. La pâte à pain ou la pâte que l'on utilise lorsque l'on cuisine. Et donc justement, l'ajin, ce genre de substance, ça laisse une blancheur dans l'eau. Quand de l'eau touche ce genre de substance-là, l'eau va être altérée quelque peu dans sa couleur. Mais ça va être une légère teinte. Donc c'était pas un impact si fort que l'eau n'était plus appelée de l'eau. C'était toujours de l'eau, mais qui avait été affectée dans sa couleur, par exemple. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le wudu en utilisant de l'eau qui avait été affectée dans une de ces trois caractéristiques par de la pâte. Mais il a malgré tout fait ses ablutions avec. Alayhi salatu salam. Donc, le cheikh a expliqué que si la substance qui affecte cette eau, qui à la base est pure et purifiante, si cette substance qui affecte cette eau est une substance pure, qui affecte cette eau dans une de ces trois caractéristiques, c'est-à-dire dans son goût, ou dans son odeur, ou dans sa couleur, mais que cet impact et cet effet n'est pas patent au point que l'on appelle ça autrement, alors c'est de l'eau, ça reste de l'eau et ça reste pur et purifiant, on peut s'en servir pour les ablutions. Par contre, si le changement et l'altération est tellement poussé qu'on en change le nom, alors dans ce cas-là, ce n'est plus de l'eau et ceci n'est pas à utiliser pour les ablutions. Il donna l'exemple avec al-laban. Naam, ce que l'on désigne pour le lait ou le lait fermenté. Si par exemple quelqu'un a une quantité d'eau et qu'on introduit du lait dedans, on introduit du lait, jusqu'à ce que la personne qui vient, il voit cette quantité d'eau, il n'appelle pas ça de l'eau, il dit ça c'est du lait. Là, l'altération a été tellement poussée que la tasmiya, c'est-à-dire l'appellation de cette substance-là, n'est plus celle qui était d'origine. C'est-à-dire qu'on n'appelle plus ça de l'eau. On considère même plus ça de l'eau qui a été teintée par un peu de lait. Non, on appelle ça du lait carrément. Pourquoi? Parce que l'altération a été tellement poussée par la substance pure qui a été introduite que cette substance-là n'est plus appelée eau. Suite à l'altération, elle est appelée lait directement. Voilà. C'est du lait dilué, par exemple. On pourrait appeler ça comme ça. Ensuite, le cheikh a abordé un autre scénario. Dans le cas où l'eau, qui est pure et purifiante à la base, viendrait à être altérée par une substance impure. C'est-à-dire qu'une substance impure est introduite au sein de cette quantité d'eau et elle altère l'eau dans une de ses trois caractéristiques fondamentales, c'est-à-dire dans son goût, dans son odeur ou dans sa couleur. Alors, dans ce cas-là, ceci est devenu impur. Ah, excusez-moi, il me semble que le cher n'a pas mentionné cette faïda. Je pensais que le cher l'avait mentionné et je l'ai mentionné de mémoire. Wallahu. Cependant, ce que j'ai mentionné est expliqué par les mâcheurs et les mains de la sunna. Ensuite, le cher a expliqué que donc, si on n'a pas accès à de l'eau, on a recours au tayammum. Et il mentionna le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait la mention du fait que si vous ne trouvez pas d'eau, alors usez de la terre. Ayez recours à la terre, c'est-à-dire ayez recours à tayammum, qui est la purification par la terre et qui est une alternative qui est licite dans le cas d'absence d'eau. Ensuite, il mentionna que parmi les conditions des ablutions, après que l'eau doit impérativement être pure, alors, l'eau doit être également licite. Il mentionna la licéité de l'eau. Ça, c'est une condition des ablutions, mentionnée par Cheikh Ibn Abdallah. C'est-à-dire que l'eau soit licite. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est-à-dire que l'eau ne soit pas, par exemple, acquise par le vol. Que l'eau n'a pas été acquise par le larcin, par un crime. Car les ablutions ne sont pas valides si elles sont accomplies avec ce genre d'eau. Et il donna un autre exemple. Comme l'eau qui est mise à disposition des gens par un waqf. C'est-à-dire, par exemple, certaines personnes mettent dans la rue ou dans certains endroits un waqf, c'est-à-dire un legs. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des gens une fontaine, mais cette fontaine a été, de par une pancarte ou de par quelque chose qui est connu, cette fontaine-là est à usage de consommation de l'eau, c'est-à-dire pour boire uniquement. Et on ne peut pas alors s'en servir pour se purifier des souillures ou pour faire les ablutions. Le cheikh a expliqué que si par exemple quelqu'un a laissé un waqf, c'est-à-dire qu'il a laissé un point d'eau, et ce point d'eau-là a été spécifiquement défini par son propriétaire, qui le met à disposition de la communauté musulmane comme étant un don à la communauté musulmane à usage restrictif, c'est-à-dire juste à usage de consommation d'eau pour la boisson, alors il est interdit de faire ses ablutions avec, à moins qu'on ait obtenu l'autorisation de la personne qui a mis ce point d'eau en accès libre aux musulmans, car il en est le propriétaire, ou alors le délégué, c'est-à-dire celui qui est responsable de cette fontaine et de son entretien ou de ce point d'eau, donne l'autorisation spécifique. Dans le cas où on est dans un endroit où on n'a aucunement accès à l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'eau si ce n'est par ce point d'eau, et que ce point d'eau, nous n'avons pas obtenu la permission de pouvoir utiliser cette eau pour faire les ablutions, et que cette eau a été mise en disponibilité pour l'usage unique qui est la consommation de la boisson, il est interdit de faire les ablutions avec. Et le cheikh dit, dans le cas où il n'y a que ce point d'eau à disposition pour faire les ablutions, alors on fait tayammum. On peut boire de cette eau, mais on n'utilise pas pour les ablutions car ceci ne nous est pas permis et on a recours à tayammum. Ensuite, parmi les conditions de validité des ablutions, le fait d'enlever tout obstacle qui serait une entrave entre l'eau et la peau. Il expliqua que les ablutions doivent être accomplies sur les membres concernés par les ablutions et ils doivent être tous touchés par l'eau. Donc, si jamais une partie d'un des membres concernés par l'eau, par le lavage de l'eau dans les ablutions, n'est pas lavé, alors l'ablution n'est pas considérée comme complète et l'ablution n'est pas considérée comme valide. Il donna l'exemple, par exemple, de certaines substances que les femmes se mettent sur la peau dans le cadre du maquillage, qui sont des substances, qui sont étanches, dans le sens où elles sont une entrave dans ce qu'elles portent comme maquillage sur leur peau, sur leur corps, qui est une entrave et qui empêche l'eau de toucher la peau. On a du traducteur, par exemple, le vernis. Le vernis est une entrave empêchant l'eau de toucher les ongles. Fin de parenthèse. Donc, certains outils de maquillage sont des substances dont le cher a fait mention, entre autres, qui sont des obstacles. Donc, qui doivent être impérativement enlevés avant de commencer les ablutions. Car si l'eau ne touche pas tout le membre qui doit être lavé par cette eau, l'ablution n'est pas valide. Et il argumente ceci avec un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme qui avait lavé les membres qui étaient concernés par les ablutions, mais il avait laissé l'équivalent de la taille d'un ongle sur une des parties de son corps n'avait pas été touchée par l'eau, alors que cette partie-là de son corps devait être entièrement lavée lors de l'ablution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui intima l'ordre de retourner et de refaire ses ablutions. D'aller parfaire ses ablutions. Non, alayhi salatu wa sallam. Donc on en tire le fait que c'est une obligation de s'assurer que l'eau touche l'entièreté du corps qui est concerné par les ablutions. C'est-à-dire tous les membres du corps qui sont concernés par le lavage, par exemple, doivent être lavés. Tout ce qui est concerné par le lavage, etc., doit être lavé. Et donc l'eau doit toucher impérativement tout le membre concerné. Non. Et donc on doit s'assurer que toute substance qui serait une entrave soit enlevée au préalable. Non. Et donc nous nous arrêtons ici, car ceci fait une heure de cours. Nous allons poursuivre bi-idhnillahi azawajal dans la traduction des propos de notre noble cheikh dans l'assise de 18h qui aura lieu demain, samedi. Et nous aurons une troisième et dernière assise, incha'Allah ta'ala azawajal, dimanche également. Et nous espérons pouvoir parvenir à la complétion de la traduction des propos de notre noble cheikh qui nous a transmis dans son explication, hafidhahullah, de cette noble épître. Barakallahu fi. Et nous nous donnons donc rendez-vous demain, samedi, à 18h heure française, pour la suite. Si vous avez des questions concernant le contenu de nos cours, des cours prodigués par notre noble cheikh ou des cours prodigués par mon humble personne dans la traduction des propos du cheikh, n'hésitez pas à nous les transmettre à travers les réseaux sociaux, à contacter l'organisme du Marquez de l'Imam Al-Shafiri, afin de transmettre vos questions, si vous avez besoin d'un éclaircissement ou si une chose vous a paru confuse, dans les explications qui vous sont octroyées dans ces conférences et ces séminaires qui sont organisés par ce noble Merkez, afin que vous obteniez des clarifications de la part de notre noble cheikh. Hafidhahullah ta'ala. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.